Toujours selon Yonhap News, les autorités militaires sud-coréennes ont disposé à l'armée de terre 4 hélicoptères Apache AH-64E, grands hélicoptères d'attaque américains. Elles prévoient d'introduire en tout 36 hélicoptères jusqu'au début de l'année prochaine au moyen d'énormes dépenses. Par ailleurs, les autorités projettent de fonder la cyberarmée de réserve pour mobiliser même l'armée de réserve à la cyberguerre.